des verts pâturages et me dirige près tes eaux paisibles. Il reste en mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta mulette et ton bâton me rassurent, me rassurent. Je ne craindrai aucun, aucun mal. Devant moi, tu dresses une table en face de mes ennemis. Tête, yeah, yeah. Et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, yeah, yeah, yeah. M'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. My every peace tous les jours de ma vie.